بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc, on était rendu la dernière fois à, on était à la fin de la question de, en ce qui concerne, de rechercher uniquement par nos actions, d'acquérir plus de la dunya et d'oublier l'akhira, d'oublier Allah subhanahu wa ta'ala, mais de prendre la vie d'ici-bas comme notre, but absolu et de négliger ou d'oublier de prendre en considération l'au-delà, l'akhira et Allah subhanahu wa ta'ala, sa religion. Donc, le chef en terminant, il dit, قلتو, ومن عبيد المال اليوم الذين يقدمون على المعاملات المحرمة والمكاسب الخبيثة بدافع حب المادة كالذين يتعاملون بالربا مع البنوك وغيرها والذين يأخذون المال عن طريق الرشوة والقمار وعن طريق الغش في المعاملات والفجور في المخاصمات وهم يعلمون أن هذه المكاسب محرمة ولكن حبهم للمال أعمى بصائرهم وجعلهم عبيدا أو عبيدا لها فصاروا يطلبونها من أي طريق نسأل الله لنا ولإخواننا المسلمين من الشح والمطاع والهوى المتبع وإعجاب كل ذي رأي برأيه. Donc, le chef, qu'est-ce qu'il explique ici? Pour terminer ce sujet-là, il dit, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont devenus esclaves de l'argent, des biens matériels, À un tel point que, ils hésitent pas d'avancer dans n'importe quelle sorte de transaction, interdite, dans les manières d'acquérir des biens, de l'argent. Alors, par exemple, tout ça, c'est causé par ce qu'ils aiment. Vous lui expliquez, il n'y a pas de problème. Alhamdulillah, barakallahu fik. C'est bien. Donc, parce qu'ils aiment trop les biens matériels, alors ça les pousse à faire tout pour arriver à les obtenir. Comme par exemple, les gens qui travaillent avec les intérêts bancaires et qui font de l'argent par ce moyen-là, okay, ou ceux qui prennent de l'argent par corruption. On sait que dans nos pays, même ici et dans nos pays, il y a beaucoup de corruption. Et un exemple de corruption, par exemple, on va dire que quelqu'un veut obtenir un passeport. Alors, étant donné que si il veut avoir le passeport rapidement, il ne peut pas, par les moyens légaux et ordinaires, il ne peut pas l'acquérir rapidement. Alors, il essaie de rentrer en contact ou de faire affaire avec quelqu'un qui travaille dans les passeports. Et puis, avec une certaine somme d'argent, il le paie, une somme d'argent pour avoir son passeport plus rapidement. Ça, c'est un exemple de rachwa qui existe dans les pays musulmans, mais il y a, ça, c'est un seul exemple, mais pourtant, il y en a des dizaines et des dizaines d'exemples de ce genre. Et ça, c'est peut-être un exemple banal par rapport à d'autres. Donc, ça, c'est haram, bien entendu. Ou, de, par exemple, al-qimar, c'est-à-dire la loterie ou les jeux de hasard, que ce soit les jeux de cartes ou les jeux de loterie, ou les casinos, ou les gratteux, là, que les gens achètent à 1$ ou 2$, ils grattent pour avoir une somme d'argent. Ou aussi, par exemple, le bingo, ou toutes sortes de formes de jeux de hasard que les gens peuvent utiliser pour essayer de gagner de l'argent. Course de chevaux, bataille de chiens, là. Des paris. Ou faire des paris aussi. Hein? Par exemple, tu paries sur un match de boxe ou un match de football, des choses comme ça, parier. Tout ça, c'est haram, parier, ouais. Donc, ça, c'est des choses qui sont dans, on ne peut pas acquérir de l'argent de ces moyens-là, c'est haram. Ça fait partie de al-qimar, hein. Ou bien, al-tariq al-rish, c'est le mu'amalat, c'est-à-dire de tromper les gens, de faire des transactions économiques avec des gens en trichant, soit en leur vendant une marchandise qui est pas en bon état et en leur disant que c'est correct ou des choses comme ça, ou d'autres moyens qu'on peut utiliser pour essayer de tromper les musulmans ou les non-musulmans aussi, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Man rashana falayta minna » celui qui nous trompe n'est pas un des nôtres. Et il a dit aussi « Man rasha falayta minna » donc celui qui trompe en général, que ce soit qu'il trompe un musulman ou qu'il trompe un non-musulman, il n'y a pas de différence en fait. S'il trompe un musulman, c'est clair, et s'il trompe un non-musulman, c'est aussi haram. C'est-à-dire qu'il n'a pas le droit de tromper quelqu'un sous prétexte que c'est un non-musulman. « Wal-fujur ou fil-mukhasamat » c'est-à-dire lorsqu'ils font des... par exemple, des ventes aux enchères ou des choses comme ça. Peut-être qu'ils vont essayer de faire des gains ou des complots là pour essayer d'avoir plus d'argent là ou des choses comme ça. Le prophète a dit voilà, tanajashu. Par exemple, tu te mets avec quelqu'un, tu dis moi je vais donner tel montant et après toi, tu vas monter le montant plus haut pour empêcher là, ou bien pour avoir, tu vois, tu t'arranges avec, de cette façon-là, c'est une sorte de, d'attitude qui est malhonnête. Hein? Il donne aussi plusieurs exemples comme ça, et il dit ça, c'est pourquoi ces choses-là se produisent, alors qu'ils savent que ces choses-là sont haram. Ils le font parce que leur amour pour l'argent les a aveuglés. Et cet amour-là les a rendus esclaves. Alors, ils sont arrivés à essayer de l'acquérir par tous les moyens, même si c'est des moyens qui sont interdits. Alors, le cheikh, il demande à Allah de l'indulgence pour nous et pour tous les musulmans contre l'amour des gains et de suivre nos désirs, et que chaque personne soit éblouie ou satisfaite de ses propres opinions. Après, on entre dans un autre sujet, qui, c'est « Masabbatu al-dahri wa nahwihi », c'est-à-dire d'insulter le temps, ou d'insulter le vent, ou d'insulter des aspects de la nature, ou des choses de ce genre, d'accord. Et il y a à ce sujet-là des points qui entrent en contradiction avec la croyance d'un musulman, s'il le fait. Alors, le cheikh, maintenant, c'est ça qu'il va clarifier pour nous. Le cheikh, il dit, مَثَبَّتُ الدَّهْرِ وَنَحْوِهِ وَمِنَ الْأَشْيَاءِ الَّتِي يَرْتَكِبُهَا بَعْضُ النَّاسِ بِحُكْمِ الْعَادَةِ وَهِيَ مِمَّا يَنْقُصُ التَّوْحِيدَ أَيْضًا وَيُسِيءُ إِلَى الْعَقِيدَةِ مثبة الدهر ومثبة الريح وما أشبه ذلك من إسناد الذم إلى المخلوقات فيما ليس لها فيه تصرف، فيكون هذا الذم في الحقيقة موجها إلى الله سبحانه وتعالى لأنه الخالق المتصرف. قال الله تعالى عن المشركين: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie, parmi les choses que les gens d'aujourd'hui font comme une chose qui est devenue une sorte d'habitude ou une sorte de, c'est une coutume répandue dans la société, c'est en réalité une chose qui affaiblit ta foi en l'unicité d'Allah, hein, la foi que Dieu c'est le seul créateur, le seul maître de toutes choses. Ça, quand tu fais ces choses-là, ça le diminue et ça nuit à ta croyance. C'est le fait d'insulter le temps ou d'insulter la température ou d'insulter la pluie ou insulter la nature, des manifestations dans la nature, et d'attribuer une sorte de blâme aux créatures, alors que ce ne sont pas elles qui contrôlent quoi que ce soit de ces choses-là. D'accord? Donc, le fait de faire ça, en réalité, c'est comme si on blâmait Allah subhanahu wa ta'ala, ou comme si on accusait Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que c'est lui, en réalité, qui contrôle le temps, qui contrôle la température, qui contrôle le climat, qui contrôle toutes ces choses-là. Après, le chef, il mentionne un ayah dans lequel il dit, Allah subhanahu wa ta'ala a dit au sujet des mushrikins, et ils disent, il n'y a pour nous, ou il n'y a que la vie d'ici-bas. Il n'y a que notre vie d'ici-bas. Nous mourons et nous vivons, et rien ne nous fait périr que le déroulement des jours et des nuits. Hein, c'est le temps. Et en réalité, ils n'ont aucun savoir à ce sujet, mais ils ne font que faire des conjectures, d'accord? Donc, il y a trois points ou trois catégories en ce qui concerne l'insulte du temps. Trois catégories différentes, qui sont différents niveaux ou degrés. Le premier niveau, c'est le fait de blâmer ou de parler du temps d'une façon négative, non dans le but d'insulter le temps, mais dans le but simplement de dire une phrase affirmative, comme une sorte d'affirmation, en disant par exemple, oh, il fait trop chaud aujourd'hui, tu vois, ah, il fait vraiment trop chaud, ou oh, il fait trop froid. Tu dis ça, mais pas dans le but d'insulter, mais seulement dans le but d'exprimer une chose. Dans ce cas-là, si tu dis ça de cette façon-là, c'est pas interdit. C'est quelque chose qui est permis parce que la façon dont tu le dis, c'est pas pour un blâme. C'est simplement pour exprimer une réalité de ce qui se produit. D'accord? Et il a mentionné le chef à ce sujet-là l'exemple de la parole de Lot quand il a dit Hadha yawmun aqib. Hein? C'est un jour difficile, un jour dur. Il a donné comme deuxième catégorie l'exemple de ceux qui insultent le temps ou le climat comme si c'était le temps qui décidait ou qui s'organisait de lui-même. Si par exemple quelqu'un insulte le temps, on dit ah, il maudit la pluie ou il maudit le froid ou la chaleur, comme si elle se contrôlait d'elle-même et que c'est elle-même qui décidait du climat. D'accord, comme si c'était une entité qui se faisait elle-même. Donc celui qui fait ça, en réalité, il a commis un acte de shirk akbar, c'est-à-dire il a commis un acte d'idolâtrie, il a associé à Allah un partenaire, parce qu'il a cru que autre que Allah contrôle quelque chose dans les choses de la nature ou de l'univers. D'accord, c'est comme s'il a cru qu'il y a un deuxième ou un troisième dieu ou un autre qui, comme ceux qui disent il y a le dieu de la pluie, le dieu du froid, le dieu de la chaleur, le dieu de je sais pas quoi. Donc, ça, c'est un acte de shirk akbar. Et il y a une troisième catégorie que le chef a mentionné, et c'est ceux qui insultent la température ou le climat ou le temps, mais pas en croyant que c'est elle-même qui le fait. Ils savent que c'est Allah qui contrôle le temps, mais ils le disent de cette façon-là, comme parce que, étant donné que le mal qui vient de la température, c'est dans la température que leur vient le mal, par exemple le froid ou la chaleur ou la pluie ou des choses comme ça, étant donné que le mal leur vient de cette chose-là, alors ils mettent le blâme sur cette chose-là parce que c'est la chose qui leur apparaît. C'est-à-dire c'est la chose qui est devant eux. Donc ils blâment ça de cette façon-là, mais ils savent très bien que c'est Allah, mais ils nous disent peut-être comme ça par habitude. Et bien dans ce cas-là, ça ne rentre pas dans le shirk majeur ou même mineur. C'est seulement quelque chose d'interdit, yani c'est haram, c'est un péché de le faire. Pourquoi? Parce que c'est comme si on insulte indirectement le Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'en réalité, on insulte le temps, mais le temps n'a rien à voir avec ça. C'est Allah qui décide. S'il fait beau aujourd'hui, c'est par la permission d'Allah, c'est par le contrôle d'Allah. S'il pleut aujourd'hui, c'est parce qu'Allah il a prédestiné, il a voulu, il a fait que la journée aujourd'hui soit une journée de pluie. Donc on ne peut pas insulter le souvent ici parce qu'on est au Québec et le climat est très changeant. D'accord, il n'y a pas vraiment un climat stable. Alors on a l'habitude ici de dire ah ici au Québec, Allah, au Canada, le climat là c'est pas bon, ça change tout le temps, il fait chaud, il fait froid. Comme si le Canada avait un contrôle sur la température. Mais en réalité, ce n'est pas le Canada qui contrôle la température, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui contrôle la température du Canada et de tous les autres pays. Donc on doit toujours se rappeler ça et essayer d'éviter de dire des paroles de ce genre, parce que ça reflète une sorte de faiblesse dans notre conviction en l'unicité d'Allah, puis aussi une faiblesse dans notre aqidah. On doit toujours essayer de se rappeler de ça, c'est essayer de nous exprimer d'une façon différente des gens qui ont pas cette foi en l'unicité d'Allah. Essayer de ne pas imiter les mouchriquins ou les autres qui ont une autre croyance en des choses de ce genre. Et le chef il a mentionné une ayah, comme on a mentionné nous aussi, et il l'explique après. Il dit « Faqad kadabu bil ba'th » il y en a ceux qui ont dit « Il n'y a que cette vie d'ici-bas. Nous vivons, et nous mourons et nous vivons, et rien ne nous fait périr excepté les jours et les nuits qui avancent. »« وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عَلْمٍ » ils n'ont aucun savoir à ce sujet, ils ne font qu'émettre des conjectures. Parfait, Inch'Allah. Donc on va se revoir, Inch'Allah. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Donc, le chef dit, faqad kadabu bil ba'th, yani ceux qui ont dit, il n'y a que cette vie d'ici-bas, ils ont renié la résurrection. Hein, ils ont nié qu'il y a une vie après la mort. Ils disent, il n'y a que cette vie d'ici-bas, allati nahnu fiha, celle dans laquelle nous sommes. Laysa hunaka hayatun siwaha, il n'y a pas d'autre vie à part celle-là. نموت ونحيا فذيخ الشيخ أي يموت قوم ويعيش قوم آخرون وهذا منهم إنكار لوجود الخالق المتفرد يعني نزيد نموتون بيفون يعني un peuple et ça se succède de cette façon là indéfiniment et éternellement peut-être selon certains. Donc pour eux, il n'y a pas de créateur. Ça c'est en réalité, ils expriment le rejet en la foi en un créateur. Et après le cheikh dit « وَرَدَّ جَرَيَانُ الْحَوَادِثِ إِلَى الطَّبِيعَةِ » C'est-à-dire aussi, ils rejettent ou ils ramènent les événements qui se produisent dans la création, ils le ramènent à la nature. Et ils disent, ah, ça c'est la nature qui fait que ces choses-là se produisent. Donc ils attribuent tout ce qui se produit à la nature. Donc ça c'est une forme de négation de l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que c'est lui, Allah subhanahu wa ta'ala, qui contrôle l'univers. Après, le cheikh il dit, وَلِهَذَا قَالُوا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ أي لَا يُفْنِنَا إِلَّا مُرُورَ اللَّيَالِي وَالْأَيَّامِ فنسبوا الإهلاك إلى الدهر على سبيل الذم له. Donc le chef dit, Et ils ont dit, rien ne nous fait périr excepté Ad-Dahr. Et Ad-Dahr, c'est quoi? C'est en fait le changement des jours et de la nuit. Hein, le temps qui passe. C'est ça, Ad-Dahr. Donc, ils ont attribué la perdition, ou le fait qu'on va tous mourir, au temps. Et d'une façon pour blâmer le temps, comme en essayant de mettre le blâme sur le temps, comme si c'était le temps qui causait notre mort, et non Allah qui avait prédestiné notre vie et notre mort, et qui a organisé tout ça. Après le chef dit, وَإِنَّمَا قَالُوا هَذَا الْقَوْلُ عَنْ جَهْلٍ وَتَخَرُّسٍ وَلَا عَنْ عِلْمٍ وَبُرْهَانٍ لِأَنَّ الْبُرْهَانَ يرد هذا القول ويبطله، ولهذا رد الله عليه بقوله وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون، وكل قول لا ينبني على علم وبرهان فهو قول باطل مردود. Donc le cheikh dit par la suite, ils ont uniquement dit une parole de ce genre parce qu'ils sont ignorants, et c'est une parole d'ignorance. Ce n'est pas une parole qui est basée sur un savoir et une preuve évidente. Et si, pourquoi? Parce qu'il dit, la preuve évidente réfute cette parole et la détruit complètement. Et c'est pour cette raison-là que Allah, après avoir cité les paroles de ces gens-là qui ne croient pas en Al-Akhirah et qui ne croient pas en Allah, il termine le verset en disant « وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ الْمَعِنِ إِنْهُمْ إِنَّا يَظُنُّونَ » Ils n'ont aucun savoir à ce sujet, ils ne font qu'émettre des conjectures. « وَكُلُّ قَوْلٍ لَا يَنْبَنِي عَلَى عِلْمٍ وَبُرْهَانٍ فَهُوَ قَوْلٌ بَاطِلٌ مَرْدُودٌ » Donc toute parole qui est fondée sur l'ignorance, qui n'est pas fondée sur la connaissance et la preuve, alors c'est une parole qui est récitée et qui est fausse. Hein? Et donc, en fait, c'est vrai, parce qu'ils affirment que c'est le temps qui nous fait mourir, alors qu'ils n'ont aucune preuve de ça, en réalité. Ils font émettre des conjectures, parce qu'ils parlent sans connaissance. Et s'ils avaient un savoir, une connaissance, ils auraient affirmé que c'est Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Parce que Allah a envoyé le messager avec le livre et les preuves et les miracles pour nous convaincre et pour nous montrer tous les signes et toutes les preuves de la véracité de ce message. Hein? Eux, étant donné qu'ils n'ont pas eu connaissance de ces preuves et de ces messages, alors au lieu d'essayer de chercher à connaître, ils se sont aveuglés et ils ont essayé de nier et d'affirmer autre chose, yani, qui n'a aucune preuve. Donc, c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala me répond de cette façon. Après le cheikh dit, والبراهين تدل على أن ما يجري في الكون لا بد له من مدبر حكيم قادر والله سبحانه وتعالى وهو الله سبحانه وتعالى فكل من سب الدهر ونسب إليه شيئا من الحوادث فقد شارك المشركين والزهرية في هذا الوصف الذميم وإن لم يشاركهم في أصل الاعتقاد. Donc, le chef lui dit, un point très intéressant ici, il dit, et les preuves, les preuves évidentes qui montrent que il y a beaucoup de preuves évidentes qui montrent que ce qui se produit dans l'univers ne peuvent pas se produire excepté si c'est un créateur qui organise tout ça et qui est sage et tout puissant. D'accord? Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Parce que n'importe quelle personne raisonnable qui observe l'univers ne peut pas arriver à penser que toutes ces choses-là se produisent d'elles-mêmes. Il faut qu'il y ait derrière ça un être tout-puissant, sage, qui a une sagesse infinie et qui programme et organise toutes ces choses-là. D'accord? Et puis, comme exemple qu'on pourrait donner, par exemple, si on voit, tout le monde connaît ici les voitures télévisées, hein, les petites voitures télévisées, hein, c'est comme une sorte de voiture, ouais, pour les enfants, ouais, tu peux la contrôler à distance, ok. si tu vois une petite voiture comme ça qui entre ici, qui commence à passer entre nous, tourner entre les espaces, sans jamais percuter aucun obstacle, et passer par les petits chemins et puis se diriger d'une façon intelligente. Est-ce que quelqu'un, yani, logiquement, va accepter ou venir à la conclusion que parce que rien ne le, il n'y a pas de conducteur, il n'y a personne à l'intérieur qui la conduit, qu'elle se conduit d'elle-même et que personne n'est en train de la contrôler à distance. Hein? Donc personne ne va arriver à cette conclusion-là. Pourquoi ? Parce que cette voiture-là est faite de plastique, inerte, hein? Ce n'est pas vivant, ça n'a pas de conscience, ça n'a pas de, y a ni contrôle de quoi que ce soit. Donc la matière de ce genre-là ne peut pas faire des actes intelligents sans qu'il y ait derrière ça quelque chose qui le contrôle ou qui l'organise. Hein? Je vois Mouhtar, on dirait qu'il a une éclair de génie là. C'est vrai, si quelqu'un regardait comme le robot qu'on a envoyé sur Mars, on est à des kilomètres de distance, et si quelqu'un là-bas voyait une petite voiture qui commence à se former, est-ce que quelqu'un là-bas va se dire, ah mais cette voiture-là, elle a une intelligence d'elle-même, puis elle se promène comme ça? Non. Donc, c'est la même chose pour la Lune, la même chose pour le Soleil, la même chose pour les atomes, la même chose pour les gènes, la même chose pour les molécules qui sont en nous et qui nous composent, et puis qui composent tous les composés chimiques là, qui nous entourent. Quand je reviens toujours à mon cours de biologie, parce que ça m'a marqué là, avec les forces athées que j'ai eues, on croit que c'est certaines molécules, certaines cellules, une cellule humaine, elle est aveugle, elle n'est pas inconsciente. Est-ce que la cellule humaine est consciente de qu'est-ce qu'elle fait et de qu'est-ce qui se passe autour d'elle? Elle ne peut pas contrôler pour dire bon, je vais arriver à mon terme, donc je dois me séparer, donc je dois commencer à diviser ma chaîne d'ADN et à envoyer des ARN messagers pour... je vais commencer à faire fonctionner mon cytoplasme pour... Il y a des microbes qui veulent s'infiltrer dans ma cellule, je vais mettre des anticorps, des antigènes. Subhanallah, toutes ces choses-là se produisent en une seule cellule, et puis tu peux pas dire que c'est la cellule elle qui a contrôlé ces choses-là ou qui a décidé de ces choses-là. Hein? Exactement. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a ordonné et contrôlé toutes ces choses-là. Hein? La même chose qu'on peut dire au sujet de l'évolution. Quand les scientifiques observent les changements entre les espèces, les différentes, mutations qui se produisent d'une espèce à l'autre, d'une génération à l'autre, ils disent que ça se fait par sélection naturelle et que c'est uniquement le temps qui détermine qu'est-ce qui va se produire, comme si pour eux tout ça se produit de façon complètement aveugle et c'est pas Allah subhanahu wa ta'ala qui crée ces nouvelles espèces. Exactement, c'est comme tu dis. Et c'est seulement une observation qu'ils ont fait et qu'ils ont appelé ça une sélection naturelle parce qu'ils savent pas, ils n'ont pas d'autre nom pour à donner à ça. C'est la fin de la limite de leur connaissance. Et en plus, à cause de leur orgueil, ils refusent d'affirmer que c'est Allah, le Créateur, qui fait que ces choses-là se produisent. Alors, à cause de ça, ils préfèrent plus affirmer que la nature est derrière ça. Et on sait très bien que la nature n'a pas de sagesse, la nature n'a pas de connaissance, la nature ne voit pas, la nature n'entend pas, la nature ne parle pas. Elle est aveugle. C'est une chose, tu ne peux pas lui donner, lui attribuer quoi que ce soit des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Mais eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils donnent à la nature, ils essaient de donner à la nature des attributs divins. Au lieu d'affirmer Dieu, ils nient l'existence de Dieu et ils donnent les attributs de Dieu à la nature. Et donc, c'est une autre façon de faire une forme de ce qu'on appelle ilhad, c'est-à-dire une forme de négation de la vérité d'Allah et de ses attributs. Donc, ça c'est un point important à comprendre et intéressant aussi. Et ça nous ramène à raffermir notre aqida, notre conviction et notre croyance en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le cheikh il dit, toute personne qui insulte le temps ou qui attribue au temps quelque chose des événements de qui se produisent dans l'univers, alors il a commis une forme de shirk, c'est-à-dire il a attribué à Allah un partenaire de la même façon que Ad-Dahriya. Yani, Ad-Dahriya c'était un peuple qui avait cette croyance. Yani. Il croyait uniquement à, il ne croyait pas à l'au-delà, ni à le Créateur. Ils croyaient uniquement en cette vie d'ici-bas, puis c'était en fait des matérialistes d'Ahriya, ok? Donc, c'est de eux que Allah parle dans le verset qu'on a mentionné plus tôt, et ceux qui, parmi les musulmans qui insultent le temps de cette façon-là, ils ont une des attributs de ces gens-là. Et ils sont, c'est comme si eux en fait, ils sont associés à eux, dans cette mauvaise caractéristique des Dahriya. Même s'ils n'ont pas cru à la base de leur croyance, même s'ils ne sont pas d'accord avec eux à la base, avec les Dahriya, même si ces musulmans-là ne sont pas d'accord avec les Dahriya à la base, mais ils sont complices avec eux ou partenaires avec eux dans cette caractéristique de blâme que Allah leur fait. أخي الشيخ الزي وفي الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يؤذيني ابن آدم يصب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار وفي رواية لا تصب الدهر فإن الله هو الدهر دونك الشيخ المعصن الحديث قطفتي ذا الصحيح يعني les hadiths authentiques de Al-Bukhari et Muslim. Et selon Abi Huraira radiyallahu anhu, un des compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que Allah a dit les fils d'Adam me font du mal, ils me font du mal en insultant le temps alors que je suis le temps. Et c'est moi qui fais changer le jour et la nuit. Hein? Et dans une autre version, une autre riwaya de ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, n'insultez pas le temps, parce qu'Allah sallallahu alayhi wa sallam est le temps. Donc c'est ça. Après le cheikh il explique ce hadith, qu'est-ce que ça signifie. فدل الحديث على أن من سب الدهر فقد آذى الله سبحانه وتعالى لأن السب يتجه إلى مدبر الحوادث والوقائع وخالقها والدهر إنما هو ظرف ومحل وخلق مدبر ليس له شيء من التدبير ولهذا قال الله وأنا الدهر أقلب الليل والنهار فقوله سبحانه أقلب الليل والنهار تفسير لقوله وأنا الدهر وكذا قوله فإن الله هو الدهر معناه أن الله هو المتصرف الذي يصرف الدهر وغيره فالذي يصب الدهر إنما يصب من خلقه وهو الله تعالى وتقدس Donc, qu'est-ce que ça signifie l'explication ici? C'est, en résumé, qu'est-ce qu'on a dit? C'est que le hadith prouve que celui qui insulte le temps, il a nui à Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait du mal à Allah subhanahu wa ta'ala d'une certaine façon. Bien entendu, quand on dit on fait du mal à Allah, on sait très bien que rien, personne ne peut nuire à Allah subhanahu wa ta'ala, mais ça lui déplaît d'une certaine façon et ça lui nuit. Et on accepte, on croit en ça parce que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous a expliqué ça. Donc ici il dit faqad aballah, donc on doit l'affirmer. Mais bien entendu on ne peut pas lui nuire de la même façon qu'une créature peut nuire à une autre. D'accord, Allah subhanahu wa ta'ala il est au-delà. Et par exemple dans certains hadiths, Ibn Adam إنك لا تضروني الحديث يعني كيف تسميتي بنا تبقى فضل من فهد المال دكور لم تبلغ لا تبلغ ضري فتضروني ولا تنفعون ولا تبلغ نفعي فتنفعوني يعني بنا تبقى فضل من فهد المال وعيزي ما فهد المال et vous n'êtes pas non plus capable de me faire un bien, d'arriver à de m'ajouter quoi que ce soit de bien. Savez-vous, on ne peut pas nuire ni profiter à Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'il est celui qui est al-Ghani, c'est-à-dire il est le riche et al-Qayyum, celui qui se suffit à lui-même, d'accord? Donc il a besoin de rien et de personne, et peu importe ce qu'on peu importe ce qu'il donne, ça ne le diminue en rien. Et peu importe, par exemple, ce qu'on fait pour lui, ça ne l'augmente en rien. Même, il a dit dans ce même hadith, Ibn Adam, وجنكم وإنسكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا ولو أن أولكم وآخركم وجنكم وإنسكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك في ملك شيئا même si le premier d'entre vous jusqu'au dernier avait le cœur le plus pieux de tous les cœurs, avait le cœur le plus pieux, avait le cœur, vous aviez tous le cœur du plus pieux des hommes, si vous étiez tous avec le cœur du plus pieux des hommes, alors ça n'aurait même pas augmenté rien dans mon royaume, ça ne m'aurait rajouté en rien dans mon royaume. Et si le premier d'entre vous et le dernier d'entre vous, les hommes parmi vous et les djinns parmi vous, vous étiez tous ensemble avec le cœur du pire de tous les êtres humains dans la perversité, ça n'aurait enlevé rien de mon royaume. Et si, après à la fin du hadith, ça dit, si vous étiez tous rassemblés sur un seul endroit, tous les êtres humains, du premier au dernier, et que vous étiez tous mis à demander tout ce que vous voulez, et que je donnais à chacun d'entre vous ce qu'il m'a demandé, ça n'aurait rien enlevé de ce que je possède, même pas ce que l'aiguille enlève de l'océan. Si on trempe une aiguille dans l'océan, la goutte qui en sort, ça n'enlève même pas ça à la richesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça veut dire que peu importe ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous donne, ça n'enlève rien à Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans plusieurs ayats dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala il dit Ana al-ghani والله الغني ذو الرحمة الله est le riche et celui qui possède la miséricorde. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit in takfuru fa inna Allah ghaniyun ankum. Si vous rejetez la foi, alors Allah subhanahu wa ta'ala n'a nul besoin de vous. D'accord? Donc, quand on adore Allah subhanahu wa ta'ala, c'est comme certains non-croyants, ils s'imaginent que Dieu a besoin qu'on l'adore. Et ils pensent que du fait de, par exemple, de refuser de croire en Dieu, ils nuisent à Dieu ou ils font du mal à Dieu en refusant de l'adorer. Et ils croient que l'être humain a que Dieu a besoin des êtres humains pour se faire adorer. Alors que c'est faux. Yani Allah subhanahu wa ta'ala, il a les anges, il a créé les anges, et ce sont des créatures qui l'adorent constamment, sans arrêt. Et jour et nuit, et ils respirent comme ils adorent en leur respire, c'est subhanallah et alhamdulillah. Yani, il en a des parmi les anges que Allah a créé, prosterné, et il reste tout le temps prosterné, yani, il ne se relève jamais. Donc, et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Ils ne désobéissent jamais à Allah et ils font tout ce qu'on leur ordonne. Ils ne font jamais de péché, ils ne font jamais de désobéissance. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, s'il veut être adoré, n'a pas besoin des êtres humains. Mais il a créé les êtres humains. Et si on adore Allah, c'est pour nous-mêmes, c'est pour nous qu'on l'adore. C'est du bien que ça nous amène à nous, pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Bien entendu, il est satisfait de ses serviteurs quand ses serviteurs l'adorent. Et il aime ses serviteurs quand ses serviteurs se rapprochent de lui. Hein? Mais par contre, ceux qui s'éloignent et ceux qui se détournent de lui, eh bien, ça n'ajoute rien à Allah subhanahu wa ta'ala, excepté de la colère pour eux. وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتًا. Et la mécréance des mécréants n'augmente rien auprès de leur Seigneur que la colère. وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا. Et la mécréance des mécréants ne fait que les augmenter en perdition. Donc, comme le chef il dit, l'insulte qu'on y a de celui qui insulte le temps, il a nuit à Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'il insulte parce que l'insulte est dirigée à celui qui est derrière la création, à celui qui est derrière l'organisation de la nature et de la création. D'accord? Et à celui qui les a créés. Et tandis que le temps, c'est uniquement une créature, une chose qui est contrôlée. Et elle ne se contrôle pas d'elle-même, elle ne contrôle rien du tout. Alors c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala il dit, je suis le temps, je change, je fais intercéder, ou pas intercéder, mais interchanger la jour et la nuit. Je fais un succéder à l'autre. Et Allah subhanahu wa ta'ala il dit وقلب الليل والنهار. Et ça c'est l'explication quand il dit je suis le temps. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie en réalité que c'est lui qui fait changer le jour et la nuit, qui fait tourner le soleil, qui fait tourner la terre, qui fait tourner la lune et qui contrôle toutes ces choses là. Et c'est pas qu'il est le temps ou que un de ses noms c'est le temps. Comme tu dis Allah al-Aziz al-Hakim al-Alim, non. Al-Dahar, c'est expliqué par le terme al-Uqallibu al-Layla wal-Nahar. C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala, il fait changer le jour et il fait le jour entrer dans la nuit et la nuit entrer dans le jour. Après, le Cheikh il dit, وَكَذَا قَوْلُهُ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الدَّهْر مَعْنَاهُ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُتَصَرِّفُ الَّذِي يُصَرِّفُ الدَّهْر. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que Allah subhanahu wa ta'ala est ad-dahr, c'est lui ad-dahr, c'est-à-dire c'est lui le temps. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui qui contrôle et qui régit le temps. Et donc celui qui insulte le temps, c'est comme s'il insulte le créateur, c'est-à-dire qu'il insulte Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on peut interpréter ad-dahr comme étant le temps, le changement du jour et de la nuit, et le mouvement, en réalité, du jour et de la nuit, et des astres, et aussi la nature, bien entendu, parce que ça a ce sens-là aussi. Après, le cheikh dit, « وَقَالَ بَعْضُ السَّلَفِ كَانَتِ الْعَرَبِ فِي جَاهِلِيَتِهَا مِنْ شَأْنِهَا ذَمُّ الدَّهْرِ أي سبه عند النوازل فكانوا إذا أصابتهم شدة أو بلاء قالوا أصابتهم قوارع الدهر وأبادهم الدهر وقالوا يا خيبة الدهر فيسندون تلك الأفعال إلى الدهر وينسبونه وإنما فاعل ذلك هو الله فإذا أضافوا ما نالهم من الشدائد عليكم السلام ورحمة الله إلى الدهر فإنما سبوا الله عز وجل لأن الله هو الفاعل لذلك حقيقة. Donc le cheikh il dit parmi les salaf, c'est-à-dire les premiers prédécesseurs, les sahaba, ceux qui les ont suivis, parmi les pieux, ils ont dit, les arabes, avant l'islam, ils avaient l'habitude de toujours blâmer le temps et d'insulter le temps. Avant qu'ils aient l'islam, c'est du mouchriquin, et parmi eux, ils avaient l'habitude d'insulter le temps, comme beaucoup de gens aujourd'hui, hein, nous. Et lorsque un événement arrivait, par exemple, un tremblement de terre, ou un volcan en éruption, ou un ouragan, une tornade arrivait, eh bien, automatiquement, ils commençaient à insulter Dahr. Et ils disaient des paroles comme, yani, le maudit temps, ou ils maudissent le temps, ou des choses comme ça. Oui. Subhanallah. De telle façon, à cause de la lune. Ça, c'est des croyances qui font partie des croyances al-jahiliya, des croyances de la pré-islam. Avant l'islam, les gens croyaient à ça. Ils croyaient que la lune avait quelque chose à faire avec ce qui se produit dans l'univers, entre les êtres humains, alors que c'est Allah SWT qui contrôle l'univers et non la lune ou autre parmi les arts. Donc, le chef, il dit, ils attribuent un mal à ces choses-là, au temps ou à d'autres parmi ces créatures-là, alors qu'en réalité, c'est Allah SWT qui contrôle ces choses-là. Donc, lorsqu'ils attribuent le mal au temps ou à ces choses-là, alors en fait, ils insultent Allah SWT indirectement, car c'est Allah qui est derrière ces choses-là. Et le cheikh après il mentionne une autre citation, il dit « قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله وقد غلط ابن حزم ومن نحى نحوه من الظاهرية في عدم في عدهم الدهر من الأسماء الحسنى أخذا بهذا الحديث وقد بين معناه في الحديث في قوله أقلب الليل والنهار وتقليبه تصرفه تعالى فيه بما يحبه الناس ويكرهونه. Donc le cheikh il mentionne cette citation du cheikh Abdul Rahman ibn Hassan qui est celui qui a expliqué le livre Kitab al-Tawhid. Il dit que Ibn Hazm a commis une erreur. Ibn Hazm et ceux qui l'ont suivi parmi al-Zahiriyya, c'est un groupe yani, parmi les fuqaha, parmi les ulama du fiqh, qu'on appelle al-Zahiriyya. Et eux, al-Zahiriyya, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent uniquement le sens apparent des textes et ils rejettent les analogies qu'on peut faire. D'accord? On sait que yani, les ulama, ils ont établi que les formes de tashri'a yani, sont quatre. Al-Qur'an, al-Sunna, al-Ijma' et al-Qiyas. Et al-Qiyas, c'est le Qur'an, la Sunna, le troisième, c'est al-Ijma', c'est-à-dire le consensus des Sahaba, et le quatrième, c'est al-Qiyas. Ça rentre là-dedans al-Ijtihad. Oui, al-Qiyas, c'est une sorte d'analogie que tu fais. Non, on va dire, il n'y a pas un texte précis sur quelque chose, Hein? Sauf que, à partir des textes, on est capable de faire certaines analogies entre des choses qui n'existaient pas au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou qui ne s'étaient pas produites au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais on fait des analogies entre qu'est-ce qui se produit et certains versets, le consensus. Oui, c'est ça, c'est des règles qu'on établit par le qiyas. Donc, les ulama, ils ont accepté ça, selon certaines conditions, le qiyas, l'analogie. Mais certains parmi les fuqaha ne les ont pas acceptés, d'accord. Et donc, ceux qui ne l'ont pas accepté, ils disent on doit uniquement se baser sur un texte apparent, sans essayer de faire d'analogie. D'accord? Mais bien entendu, ils ont été récités par les savants d'Al-Sunnah sur ce sujet-là. Mais par contre, même s'ils ont rejeté des aspects du qiyas, beaucoup de leurs fondements sont en accord, à part ce point-là, le reste, ils sont en accord et en général avec Ahl-Sunnah, mais ils sont plutôt littéralistes. Ce sont des gens qui sont littéralistes, c'est-à-dire ils prennent toutes choses mot pour mot, puis ils n'essaient pas non plus de faire des analogies comme on a dit. Donc, il dit, le cheikh, que Ibn Hazm, al-Andalusi, a fait les autres parmi Al-Zahiriya, ils ont fait une erreur de compter Al-Dahab parmi les noms d'Allah, hein? Parce que, en réalité, ils ont pris ce hadith-là, tel quel, au sens apparent, sans essayer de comprendre qu'en réalité, le hadith, il est expliqué par le même hadith lui-même. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit « Anad-Dahar, uqallibu al-layla wal-nahar » C'est-à-dire que quand il dit « Anad-Dahar », qu'est-ce qu'il veut dire? C'est qu'il contrôle le jour et la nuit, que c'est lui qui le fait changer, et non qu'un de ses noms c'est « Ad-Dahar ». Hein? Donc c'est ça que le cheikh il dit. Donc l'explication même du hadith se trouve dans ce hadith, et dans beaucoup d'autres dans beaucoup de versets dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, Wallahu yuqaddiru al-layla wal-nahar. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui qui détermine le jour et la nuit. Wa alaykum as-salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Après, le cheikh, il dit, donc, le fait de, taqlibuhu, le fait qu'il les fait tourner, qu'il fait changer le jour et la nuit, ça signifie que c'est lui qui s'en occupe et qui l'organise d'une façon que les gens peuvent aimer parfois ou détester parfois. Des fois, les gens aiment ou détestent certaines des déterminations d'Allah subhanahu wa ta'ala. Après, le cheikh dit « فَالَّذِي يَلِيقُ بِالْمُسْلِمِ تَجَنُّبُ مِثْلَ هَذِهِ الْأَلْفَاظِ وَإِنْ كَانَ يَعْتَقِدُ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُتَصَرِّفِ لَكِنْ فِي تَجَنُّبِهَا ابتعاد عن مشابهة الكفار ولو في الألفاظ وفي ذلك حفاظ على العقيدة وتأدب مع الله سبحانه وتعالى. يا شيخ الدي donc il est plus correct pour le musulman d'éviter ces sortes d'expressions, c'est-à-dire d'insulter le temps ou des choses de ce genre, même si le musulman croit que c'est Allah qui est celui qui contrôle l'univers. C'est-à-dire, même si tu sais que c'est Allah qui contrôle le temps, mais tu le dis quand même, c'est-à-dire tu insultes le temps quand même, c'est quelque chose à éviter. Parce qu'en réalité, quand tu le fais, tu imites les gens qui ont une croyance fausse. Hein? Et donc, c'est quelque chose qu'il faut éviter, même dans les expressions, mes amis. Et ça, c'est dans le but de protéger ta croyance et d'avoir une sorte de bonne manière envers Allah. C'est-à-dire que tu as une sorte de respect dans ta façon de parler d'Allah. Tu ne parles pas à propos de Dieu de n'importe quelle façon. Tu utilises des mots et des expressions qui sont respectueuses pour parler d'Allah. après le cheikh il dit ومن جنس مسبة الدهر مسبة الريح وقد ورد النهي ورد النهي عنها في الحديث الذي رواه الترمذي وصححه عن أبي ابن كعب عن أبي ابن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا الريح فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به وخير ما أمرت به ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. Donc, le hadith, hein, parce que le cheikh il dit, dans la même catégorie que d'insulter le temps, il y a aussi le fait d'insulter le vent, d'accord, ou d'insulter le climat. Mais il y a un hadith qui est rapporté au sujet de l'interdiction d'insulter le vent, rapporté par l'imam At-Tirmidhi, et il l'a authentifié. Selon Ubay ibn Ka'ab, radiallahu anhu, un des compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, n'insultez pas le vent. Et si vous voyez ce que vous n'aimez pas, si vous voyez un vent qui est fort, et puis une tempête ou des choses de ce genre, alors dites, oh Allah, nous te demandons le bien de ce vent, et le bien qui vient avec ce vent. Et pourquoi il a été commandé. Et nous demandons refuge, nous demandons protection en toi contre le mal qui est dans ce vin, le mal de ce vin, et le mal qui est dans ce vin, et le mal pour lequel il a été commandé. Après le cheikh dit, « وَذَلِكَ لِأَنَّ الرِّيحَ إِنَّمَا تُهَبُّ أو تهب بأمر الله وتدبيره لأنه هو الذي أوجدها وأمرها فمثبتها مثبة للفاعل وهو الله سبحانه كما تقدم في سب الدهر لأن سب الريح وسب الدهر رجعان إلى مثبة الخالق الذي دبر هذه الكائنات. Donc le chef il dit, le vent, il a été ordonné par Allah, et c'est lui qui l'a fait, qui l'a ordonné. Et donc le fait d'insulter ce vent, c'est comme si tu insultes celui qui l'a fait, et donc c'est Allah, comme on l'a dit pour le temps, c'est pour les autres choses aussi. Et le fait d'insulter le temps ou le vent, et bien ça revient à insulter le créateur de ces choses. ثم ارشدهم النبي صلى الله عليه وسلم عندما يرون ما يكرهون مما ياتي مع الريح بان يتوجهوا الى خالقها وامرها وليسالوه عن خيرها وخير ما فيها ويستعيذوا من شرها وشر ما فيها فما استجلبت نعمه إلا بطاعتي فما استجبت نعمة إلا بطاعة الله وشكره وما استدفعت نقمة إلا بالاتجاء إلى الله والاستعاذة به. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que lorsque quelque chose de la création de ce genre arrive et qu'on voit que c'est quelque chose qui est mauvais ou qui est mal pour nous, que ce soit dans le vent ou dans la nature, eh bien, il nous a incité, surtout pour le vent dans ce hadith, à nous diriger vers Allah subhanahu wa ta'ala, son créateur, celui qui l'a commandé, et de lui demander le bien qui est dedans, et aussi de chercher refuge en le créateur contre le mal qui est dedans. Et pourquoi? Parce qu'en fait, il n'y a pas une bénédiction, excepté qu'elle vient avec l'obéissance d'Allah et son remerciement, et le mal ne peut être éloigné qu'en se retournant vers Allah subhanahu wa ta'ala pour demander sa protection. نعم يعني faire des du'as lorsqu'il y a une tempête, يعني si on dit ce du'a, on demande à Allah de nous protéger de ce vent ou de ce qui est de mal dans le vent, et on demande à Allah de nous amener le bien de ce vent. Donc ça c'est comme si on fait un du'a pour essayer de l'arrêter si c'est mal, ou bien de l'amener si c'est bien. C'est comme quand le peuple de, je pense que c'est le peuple de Ad, quand ils ont vu, ou le peuple de Samoud, quand ils ont vu le nuage approcher, ils ont dit, ça c'est un nuage qui vient irriguer nos champs, et qui va nous aider dans la, à cultiver, puis à récolter l'agriculture et tout. Et en fait, c'était un nuage qui amenait un châtiment d'Allah. Donc, il fallait chercher protection d'Allah. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il y a un hadith qui est rapporté que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il voyait un gros nuage de ce genre approcher, on voyait ça sur son visage. C'est-à-dire, il craignait toujours que peut-être ça pouvait être un châtiment d'Allah. D'accord? أقل الشيخ ذي وأما أما سب هذه المخلوقات ففيه مفاسد منها أنه سب ما ليس أهلا للسب فإنها مخلوقات مستخرة ومدبرة ومنها أن سب هذه الأشياء متضمن للشرك فإنه إنما سبها لظنه أنها تضر وتنفع دون الله ومنها أن السب إنما يقع على من فعل هذه الأفعال وهو الله سبحانه وتعالى. Donc le cheikh dit que dans le fait d'insulter ces créations, il y a beaucoup d'effets néfastes et de mauvaises conséquences. Parmi ces conséquences négatives, il y a le fait que on insulte ceux qui ne méritent pas d'être insultés, premièrement, parce que en fait, elles sont contrôlées et créées par Allah SWT. Voilà, donc, on peut pas l'insulter, d'accord, puisque c'est pas elle qui décide de faire ces choses-là. Deuxièmement, c'est comme par exemple, on va dire quelqu'un, un être humain, il est conscient. Quand il fait un acte de mal ou de bien, on peut le blâmer pour le mal qu'il a fait, l'être humain, parce qu'il est conscient, il a choisi de faire le mal qu'il fait. Et donc, il est responsable. Mais un arbre, s'il tombe sur ta voiture, est-ce que tu peux l'amener en cours? Yannis, c'est ça, Yannis. Tu vois? Parce que, bien entendu, Yannis, c'est une créature qui est créée par Allah, et Allah a destiné que l'arbre allait tomber sur ta voiture et qu'elle allait briser ta voiture. Donc, c'est de cette façon-là que Yannis, elle n'est pas blâmable, on ne peut pas les blâmer. Ouais, peut-être qu'on peut s'orienter de la terre. Ah, ça va. Ils font ça. Donc, ça, c'est des choses. Ça me rappelle aussi une chose parce que quand j'étudiais au cégep, il y avait un cours où on étudiait l'éthique et la politique et on étudiait un des penseurs anglais, je pense que c'est Thomas Hobbes. Un autre, il disait que il n'y a pas de jugement moral dans la nature. C'est comme s'il disait que dans ce qui se produit dans la nature, on ne peut pas dire que c'est bien ou mal. Puis, moi, je réfléchissais à ça, je disais, mais subhanallah, si un avion t'écrase sur ta maison, est-ce que tu vas dire que c'est bien ou tu vas pas dire que c'est mal? Il y a quand même quelque chose un fait que c'est mal, le fait que l'avion s'écrase sur ta maison, ou qu'un volcan détruit ton pays, c'est sûr qu'il y a du mal là-dedans. Et en fait, quand ils disent ça, c'est pour essayer de nier que les choses qui se produisent dans la nature se produisent pour une sagesse. Donc en réalité, ils essaient de nier la sagesse d'Allah dans la création. Parce que en réalité, quand Allah parle dans le Coran des peuples qui ont vécu avant nous, il parle de la façon qu'ils ont fait des péchés, qu'ils ont renié les messagers, et il explique aussi les châtiments qui sont tombés sur ces peuples-là quand ils se sont détournés du message de leurs messagers. Alors, les causes des choses de la nature, les punitions que Allah leur a données, c'est des choses de la nature. C'est des manifestations dans la nature qui se sont produites, qui se sont produites. Et donc, selon ce penseur-là, eh bien, ces choses-là se seraient produites de façon par hasard. C'était pas par la sagesse d'Allah ou par pour une punition d'Allah, mais c'est arrivé comme ça. Ils étaient là au mauvais moment, à mauvaise place, et ils ont été anéantis. Et comme donc c'était pas une chose qui était contrôlée, prédéfinie d'Allah, et il n'y a pas de jugement moral là-dedans, c'est-à-dire il n'y a pas de punition ou de récompense. C'est quelque chose qui a un rapport avec la nature, et c'est aveugle. Et donc ça c'est une forme aussi de ilhad, comme on en a parlé plusieurs fois. Donc on ne peut pas insulter ces choses-là, et parmi les effets néfastes d'insulter ces créatures-là, il y a que le fait qu'on les insulte, ça implique une forme de shirk, ça implique une forme d'association, de mettre des partenaires avec Allah subhanahu wa ta'ala, parce que si on le prend au mot tel quel, ça impliquerait que la nature est une entité d'elle-même et qu'elle contrôle, elle se contrôle d'elle-même et elle décide de la température et du climat. Et ça, comme on a dit, c'est un shirk akbar de croire que la nature est une entité et qu'elle se contrôle d'elle-même et que c'est pas Allah subhanahu wa ta'ala qui la contrôle. Celui qui croit à ça, il est un mushrik. Il est en dehors de l'islam parce que il a attribué à la créature, il a fait de la créature un dieu. Hein? Ensuite, il a donné comme exemple aussi, il dit, نعم فإنه إنما سبها لظنه أنها تضر وتنفع من دون الله. Il l'a uniquement insulté parce qu'il pense que elle peut le nuire ou le profiter en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, on a dit que c'était shirk. ومنها, et parmi ces choses-là, il y a que en réalité tu insultes cette insulte que tu donnes à la nature. Elle retourne à celui qui contrôle réellement ces choses-là, c'est-à-dire Allah. Non. Oui. Moi, subhanallah. C'est comme le père, il dit. On ne peut pas rien prédire pour la météo. Et on a déjà même expliqué que les gens qui annoncent la météo, par exemple, dans les pays musulmans, quand ils disent, par exemple, on prévoit qu'il va y avoir de la pluie, ils doivent toujours dire « Inch'Allah ». C'est-à-dire, si Dieu le veut, parce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui décide quelle température il va faire tel jour. Et c'est possible qu'ils font des prévisions en observant les vents, en observant avec les satellites, les nuages et tout ça. Sauf que Allah subhanahu wa ta'ala décide de changer ces prévisions-là, et il fait que au lieu du soleil, au lieu de la pluie, quelque chose d'autre arrive. Et donc, les gens, ils modifient même la personne qui présente. Non, c'est vrai, il y a des gens, même les animateurs, ils sont insultés alors que ça c'est grave ça. Subhanallah. Oh là là. That's right, man, subhanallah. Il annonce le mauvais. Oui, c'est vrai, subhanallah. Après, le cheikh dit, il a parlé à l'abd, عند هبوب الريح ما أرشده إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إذا رأيتم ما تكرهون فقولوا اللهم إني أسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به فقد لجأ إلى الله خالق إلى خالق الريح ومدبرها ومصرفها وهذا هو التوحيد والاعتقاد السليم الذي يخالف اعتقاد الجاهلية. Donc le cheikh il dit, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a montré aux gens de, lorsque des choses comme ça se produisent, de dire, si vous voyez quelque chose que vous n'aimez pas, dites, ô Allah, nous te demandons le bien dans ce vin et le bien qu'il contient, qui vient avec, et aussi le bien pour lequel il a été commandé, et on demande aussi protection en toi contre le mal de ce vin et le mal qui vient avec, et le mal pour lequel il a, contre le mal pour lequel il a été ordonné. Et tous ces du'as, les du'as de ce genre par exemple, on les retrouve dans le petit livre qui s'appelle « Husn al-Muslim », la citadelle ou la forteresse du musulman. C'est un petit livre qui contient toutes sortes d'invocations et de rappels, comme le frère il possède maintenant. Il a été traduit en français et parfois même il y a même la prononciation du du'as. Et donc c'est un livre que chaque musulman devait essayer de posséder et d'apprendre. Il est en anglais et en français, et donc vraiment, à chaque, il y a des du'as et des invocations tirées de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour chaque circonstance et chaque chose de la vie, de tous les jours. Et c'est quelque chose que lorsqu'on les apprend et on essaie de les appliquer, ça nous garde toujours en contact avec Allah subhanahu wa ta'ala et ça nous aide à toujours rester conscient de notre Créateur à tous les moments de la vie. Même par exemple en rentrant en toilette, avant de rentrer, il y a un du'a à dire, avant de sortir, en sortant, après être sorti, il y a un du'a à dire, une invocation à dire, avant de manger, après avoir mangé, par exemple, en sortant de la maison, en rentrant, toutes ces choses-là, en s'habillant, avant de s'habiller, toutes ces choses-là sont expliquées dans ce hadith. Lorsqu'on monte dans la voiture, qu'est-ce qu'on dit? C'est inspiré du Coran et des sunnah, yani des hadiths du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, le cheikh, il dit, pour terminer, il dit, celui qui a dit ce dua-là quand il voit le vent, eh bien, c'est comme s'il s'en est remis à Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur du vent, et celui qui l'ordonne et le contrôle, et ça, c'est le tawhid. Et c'est ça la croyance saine, hein, qui contredit les croyances de l'ignorance, ou de la période de l'ignorance. Après le cheikh dit, wa hakaza yakun al-muslim da'iman wa abadan ma'a al-ahdath yarji'uha ila khaliqiha wa yas'aluhu min khayriha wa an yadfa'a anhu sharraha ولا يلقي باللوم عليها ويصبها ويفسرها بغير تفسيرها الصحيح وليعلم أن ما أصابه من هذه الأحداث مما يكرهه إنما هو بتقدير من الله وتسليط لها عليه بسبب ذنوبه كما قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وقال تعالى الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور الآية وقال تعالى وتلك الأيام نداولها بين الناس وقال تعالى يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. Donc le cheikh il dit, voilà de quel, comment le musulman doit agir, doit toujours agir, peu importe les circonstances et les événements. Et il la remet toujours à son créateur, et il lui demande le bien qui est dedans, et il demande à son créateur de le protéger du mal qui est dedans, et il ne blâme pas ces choses-là, et il ne les insulte pas. Et il ne les interprète pas non plus par une autre interprétation contraire à la réalité ou à la vérité. Et il sait que ce qu'il a atteint de ces événements, de ces circonstances, de ce qu'il n'aime pas parmi les choses qui, qui l'atteignent, qui n'aiment pas, eh bien, elles arrivent uniquement par la prédestination d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que Allah subhanahu wa ta'ala a mis ces choses-là sur lui à cause de ses péchés. À cause de ses péchés. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ. Et ce qui vous a atteint d'épreuves ou de malheurs, eh bien, ça vous atteint uniquement à cause de ce que vos mains ont acquis, c'est-à-dire à cause de ce que vous avez commis de péché. وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ. Et Allah subhanahu wa ta'ala, malgré ça, il est indulgent à propos de beaucoup de choses. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que, malgré, comme dans d'autres versets, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, وَلَوْ يَعْفِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ. Si Allah subhanahu wa ta'ala devait tenir compte les êtres humains pour qu'est-ce qu'ils ont fait, eh bien, en réalité, il n'aurait laissé aucune créature vivante sur la terre parce que on mérite en réalité tous d'être détruits à cause de nos péchés. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il est indulgent et il pardonne et il nous laisse du lot, comme on dit, parce que sinon on serait fini. Et il est miséricordieux et pardonneur. Donc, tout mal qui nous atteint, tout malheur qui nous atteint dans notre vie, parmi les circonstances de la vie, eh bien, ça nous arrive uniquement à cause de nos péchés. D'accord? Il ne faut pas penser que Allah subhanahu wa ta'ala est injuste envers nous. Inna Allah la yazlimu mithqala dharra. Allah subhanahu wa ta'ala, il ne fait même pas l'injustice le poids d'un atome. Même pas le poids d'un atome d'injustice. Alors, il ne faut pas croire que Allah subhanahu wa ta'ala est injuste. Et quand on affirme qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne fait pas d'injustice, ça implique affirmer sa justice infinie et sa justice complète et parfaite. Parce que quand on nie quelque chose, ça implique affirmer son contraire. Et quand on affirme quelque chose, ça implique de nier son contraire. Après, le cheikh mentionne une autre ayah dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala il dit Allah الذي يرسل رياحا فتثير سحابا. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui envoie le vent et qui pousse le nuage, qui fait avancer le nuage à cause de ce vent. Et il amène ce nuage par la suite à une contrée qui est déserte et qui est sèche, et il fait tomber la pluie sur cette terre et il fait revivre cette terre après qu'elle a été morte. Et après, il dit, c'est كذلك النشور. De la même façon qu'il fait ça pour la terre, qu'il fait revivre la terre, c'est de cette façon-là aussi qu'il va faire revivre les hommes après leur mort. Il va les faire revivre, comme il est capable de faire revivre la terre après qu'elle est sèche et morte, il est capable aussi de faire revivre l'homme, même s'il est en poussière dans la terre. Et il est capable de les faire sortir de la terre. Et en fait, c'est comme ça que les hommes vont sortir de la terre comme des plantes. Lorsqu'ils vont ressusciter, ils vont tous se mettre à sortir de la terre tous en même temps. Subhanallah. Les hommes, quand ils vont sortir de la terre, c'est comme ça. Allah va faire tomber une pluie et ça va rentrer dans la terre et tout ce que ça touche, il y a un œuf qui se décompose pas, et quand ça le touche, eh ben, l'être humain, il revient, il repousse. De la même façon qu'il a été créé avant, Allah, il le fait renaître. Et puis, tous les hommes vont, sortir de la terre, comme ça. On va grimper, pour sortir de la terre, et là, tout le monde va sortir de la terre, comme des plantes, là. Et puis on va tous être nus et non circoncis, comme on a été créé la première fois, et on va tous être nus. Même Aïcha, radiallahu anha, elle a dit un jour, Ya Rasulallah, les hommes et les femmes vont être ensemble et ils vont être nus, et ils vont, qu'est-ce qu'il y a, subhanallah, comment ça se fait? comme en voulant dire, ils ne vont pas se regarder, le professeur enseignant dit, Ya Aisha, Al-Amru A'adhamu Mizalik, ou quelque chose dans ce genre, le prophète a répondu, ce jour-là, c'est trop grave pour que les gens pensent à ça. Et les gens ne vont même pas penser à se regarder les uns les autres. Yani, subhanallah, tellement, c'est un jour qui va être grave. Naam. Après, le cheikh il dit, « وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ » Yani, ces jours-là, comment Allah subhanahu wa ta'ala les fait se succéder les uns après les autres, entre les hommes, yani. Et aussi, Allah il dit, « يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصَارِ » Allah subhanahu wa ta'ala, il fait tourner le jour et la nuit, et dans ça, il y a une leçon à prendre pour ceux qui possèdent la raison, yani pour ceux qui réfléchissent, ou l'une absorbe, ceux qui possèdent la clairvoyance, ou qui réfléchissent. Yani. Après le chef, il dit, « فَالْأَمْرُ كُلُّهُ رَاجِعٌ إِلَى اللَّهِ فَالْوَاجِبُ حَمْدَهُ » في الحالتين حالة الضراء وحالة الضراء وحسن الظن به والرجوع إليه بالتوبة والإنابة كما قال تعالى وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون وقال تعالى ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون donc le cheikh il dit Allah, toutes les choses reviennent en réalité à Allah. Et notre obligation, c'est de le glorifier dans toutes les situations et dans toutes les circonstances. Que ce soit une circonstance qui nous arrive et qui est positive ou qui est bonne, ou que ce soit une circonstance qui est mauvaise, il faut toujours remercier et glorifier Allah dans toutes les circonstances. Comme on dit, ala kulli hal. On dit toujours, alhamdulillah, ala kulli hal. Dans toutes les situation et dans tous les états, on dit Alhamdulillah, gloire à Allah subhanahu wa ta'ala. Et le cheikh il dit, et on doit toujours avoir des bonnes pensées à propos d'Allah, c'est-à-dire penser que Allah subhanahu wa ta'ala nous veut du bien, et penser que Allah subhanahu wa ta'ala il veut du bien pour l'humanité et pour la création et pour les musulmans, et de retourner à lui en repentance, de lui demander pardon. Et Allah subhanahu wa ta'ala il dit, il fait succéder le bien et le mal dans la création, chez les créateurs, dans le but qu'ils reviennent à lui. Hein? Et il y a un autre verset aussi dans le Coran comme ça, qui dit, ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون الله سبحانه وتعالى il dit la corruption est apparue sur la terre et dans les mers à cause de ce que les hommes ont acquéri de péché et tout ça, le mal les atteint et la corruption les atteint à cause du mal qu'ils ont fait et en fait dans le but aussi qu'ils reviennent au droit chemin. Souvent, quand il y a une épreuve, quand il y a un malheur qui t'atteint, ça te fait réfléchir, ça te fait revenir à toi-même, ça te fait revenir à Allah subhanahu wa ta'ala, ça te fait réaliser que en réalité tu dois demander pardon, tu dois essayer de corriger tes erreurs puis revenir au droit chemin. Tu réalises que tu n'es rien devant Allah et que c'est Allah qui contrôle tout. Hein? Il y a ça. Et après, le cheikh il dit, on a pris Pharaon avec toutes sortes de famines, hein, et des pertes de biens, pertes de biens, de fruits. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a puni Pharaon avec les famines, avec les disettes, oui, des choses de ce genre-là, dans le but de le faire revenir au droit chemin. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il donne aux hommes, aux êtres humains, des épreuves de ce genre, en espérant toujours que les hommes en voyant ces choses-là, vont réaliser que c'est Allah subhanahu wa ta'ala le maître, le créateur, et qu'ils vont demander pardon pour leurs péchés ou pour leurs mécréances et revenir au droit chemin. Après, le cheikh il dit « وَهَذَا هُوَ التَّفْسِيرُ الصَّحِيحُ لِمُجْرَيَاتِ الْأَحْدَاثِ فالمؤمن يعلم أن ما أصابه مما يكره إنما هو بسبب ذنوبه فيلقي باللوم على نفسه لا على الدهر ولا على الريح فيتوب إلى الله والكافر والفاتح أو الجاهل يلقي باللوم على هذه المخلوقات ولا يحاسب نفسه ولا يتوب من ذنبه كما قال الشاعر يا دهر ويحك ما أبقت لي أحدا إذا أنت والد سوء تأكل الولد يعني الشيخ الذكر ça c'est la bonne façon d'interpréter les événements qui se produisent dans la création, c'est-à-dire le croyant, il sait que ce qui l'atteint de ce qu'il n'aime pas, c'est ça l'atteint à cause de ses péchés, et donc il met le blâme sur lui-même, hein, subhanallah. On entend même dans, je me souviens quand j'étais plus jeune, on entendait des chansons où dans ces chansons-là, ils disent blâme, mets le blâme sur la lune, ou mets le blâme sur la pluie, blame it on the rain, blame it on the stars, subhanallah, ou bien don't blame it on the sunshine, blame it on the moonlight, blame it on the boogie, ou des choses comme ça. Ça, c'est des exemples de jahiliya qui existent chez les kuffar même aujourd'hui, dans leur musique. Hein? Donc le croyant n'était pas ça. Non. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Inch'Allah. Moi? Oh, Inch'Allah. Tout à fait, il va. Alhamdulillah, il va. On se fait baraka, Inch'Allah. Alhamdulillah, barakallahu fi. Ça me fait plaisir que ça te plaît, Inch'Allah. Alhamdulillah, barakallahu fi. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله Pour finir, subhanallah, c'est comme le cheikh qui dit, tu dois mettre le blâme sur toi-même. Donc, ça c'est la différence entre le musulman et le non-musulman. Le non-musulman et le pervers ou l'ignorant, il met le blâme sur ces créatures-là, tandis que il se donne pas des comptes à lui-même, il se remet pas en question, il blâme uniquement ces choses-là et il ne se repent pas de ses péchés. Il donne l'exemple cher des poésies des Arabes avant l'islam. Il dit ô temps, malheur à toi, tu n'as rien laissé, tu n'as pas laissé personne, et tu es comme un mauvais père, tu manges tes enfants. Yani il blâme le temps sur ces choses-là, yani. Tu vois. Et il a donné d'autres exemples, yani. Comment les Arabes, avant l'islam, ils blâmaient le temps, et ça c'est des questions d'Al-Jahiliya. Donc le cheikh il dit, Nas'alullah al-Afiya, wal-Basira fi dinihi. Donc nous on va terminer ici. في لا سنة الله أقول قولي هذا. أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين.